Bonjour à tous, chers amis francophiles. Bienvenue à French Pod. Je m'appelle Amaury. Et moi, je m'appelle Erika. Bonjour. This is an upper intermediate lesson. C'est bien ça. Alors aujourd'hui, nous nous trouvons dans le milieu des affaires. Génial, j'adore le milieu des affaires. On va être les témoins d'une négociation. Et on va voir comment ça se passe. Oui, on imagine que les deux protagonistes ont déjà échangé des données. Et on va voir comment ils vont mener à bien cette négociation dont tu viens de parler. C'est très utile pour les hommes d'affaires, les femmes d'affaires. Mais même si vous n'êtes pas dans le monde des affaires, il faut toujours écouter. Il y a un vocabulaire qui peut servir dans d'autres situations, bien sûr. C'est vrai. Et qu'on va découvrir tout de suite. Alors, j'espère que vous êtes tous prêts. On écoute ce dialogue ensemble. Très heureux de vous rencontrer à nouveau, Madame Lafont. De même. Vous avez fait bon voyage? Excellent. Nous allons pouvoir reprendre la conversation où nous l'avions laissée. Depuis notre dernière rencontre, j'ai réalisé un dossier reprenant les principaux points de notre collaboration. Vous permettez que nous y jetions un coup d'œil? Bien sûr. Alors je vois ici que, selon vos prédictions, notre association permettrait à ma société de diminuer ses coûts d'importation de manière très significative. En effet, notre fournisseur a les coûts de production les plus compétitifs du marché. De plus, nous serions en mesure de réduire de moitié les frais de transport pour ce produit grâce au volume que nous exporterions. Très bien. Est-ce que vous seriez prêt à renégocier votre marge si nous passions une commande ferme? Ah, vous savez, les temps sont durs et notre marge très faible sur ce produit. Nous ne pouvons pas vous faire de meilleures offres pour le moment. Mais il est évident que nous pourrions reconsidérer les conditions de vente à l'avenir. Bien. Vous savez, Monsieur Delmotte, je dois vous avouer que j'ai rencontré votre principal concurrent ce matin. Et en toute franchise, vous n'êtes pas les moins chers. Elle est un peu un requin. Elle est dure en affaires, oui. Ce qui est intéressant ici, on a employé plusieurs fois le mot « reprendre ». Oui. Alors, ils vont pouvoir reprendre la conversation. Qui signifie en fait « la recommencer ». Oui, ok, so, recommencer. À lui, quand il a répondu, il a employé aussi le mot « reprendre ». Cette fois, c'est qu'il a réalisé un dossier reprenant les principaux points. Alors ici, ce n'est pas exactement la même signification. Ça ne veut pas dire « recommencer ». C'est-à-dire un dossier dans lequel se trouve les principaux points. C'est ça. Donc, il décide d'y jeter un coup d'œil à ce dossier. Oui, regardez un peu. Alors, elle dit que leur association permettrait à sa société de diminuer ses coûts d'importation de manière très significative. D'accord. C'est une bonne chose, ça. Carrément, oui. Alors là, il lui explique comment il arrive à diminuer les coûts d'importation. Donc, il lui explique que c'est grâce au fait qu'il a un fournisseur qui a les coûts de production les plus compétitifs du marché. Oui, c'est ça. Et aussi, un autre aspect positif de cette collaboration potentiel, c'est quoi? C'est qu'il serait en mesure de réduire de moitié les frais de transport. Alors, l'expression « être en mesure de », ça veut dire « to be in a position to ». Ouais. Pouvoir être capable de, avoir les possibilités de. Tout à fait. Donc, on peut réciter pour employer la même expression. Par exemple, au tribunal, on la retrouve lorsqu'on dit à l'accusé « Est-ce que vous êtes en mesure de répondre à ces questions ?» Mais ça... si je dis non, ça veut dire « je ne sais pas la réponse ». Voilà, exactement. Alors, je ne suis pas en mesure de répondre ouais. à cette question. Elle n'est pas très impressionnée par ce dossier, en fait. Pourquoi ? Non, parce qu'elle doit trouver le produit trop cher, puisqu'elle demande s'il est possible de renégocier la marge. Et une marge, c'est le markup. Oui, en fait, la marge, c'est la différence entre le prix auquel il l'achète au fournisseur oui. et le prix auquel il va lui vendre. Oui, c'est ça. Une marge. Oui. Elle n'est pas vraiment satisfaite avec cette marge. D'après elle, ce n'est pas raisonnable. Mais elle est prête à donner quelque chose. Oui, vrai, si elle passait une commande ferme... Ça veut dire une commande qui est sûre. Voilà, exactement. Ok. Définitive, il n'y aura pas de renégociation. Alors, si elle passait cette commande ferme, est-ce qu'il voudrait bien renégocier cette marge qu'elle considère comme trop élevée? Oui, alors est-ce qu'il est prêt à faire ça? Bah, pas vraiment, non. Il dit cette chose marrante, là, les temps sont durs. Oui, les temps sont durs. Times are tough. La situation doit pas être très bonne sur le marché, enfin bon. Et en plus, il prétend que la marge est très faible. D'après lui, c'est pas beaucoup, cette marge. Tout à fait, ouais. Mais ils sont déjà au maximum, quoi, il peut pas faire mieux. Et il ne peut pas faire de meilleures offres pour le moment. Et il dit, nous ne pouvons pas vous faire deux meilleures offres. Les deux parce que c'est dans les négatifs. Ouais. Pour le moment, mais... À l'avenir, c'est pas impossible. Encore une fois, il emploie il est évident que nous pourrions reconsidérer les conditions de vente. So, quand il dit « nous pourrions reconsidérer », ça veut dire il ne s'oblige pas à le faire. Non, parce que d'abord, il n'y a toujours pas de contrat entre les deux. C'est-à-dire, si nous avions un contrat déjà... Essentiellement, ça veut dire non. Et il me prend en cariste en disant « nous pourrions ». C'est-à-dire que c'est vraiment pas sûr, c'est le conditionnel. Oui. Il faudrait d'abord qu'il y ait un contrat et il faudrait ensuite que, bah, qu'ils acceptent. Et c'est évident que lui, il pense être dans une position de puissance. Il n'est pas obligé de changer la marge. Oui, il croit qu'il est dominant dans la conversation. Le dominant, oui, mais il a peur. Et c'est là qu'elle contre-attaque. Sa contre-attaque, c'est quoi ? C'est qu'elle a rencontré son principal concurrent le matin même. Oui. Et qu'au bout des deux conversations, elle se rend bien compte que le concurrent est moins cher. Oui, alors il aurait dû essayer quand même. Oui, il aurait peut-être pu négocier un peu plus. Alors j'imagine, c'est la fin des négociations et va aller chez son concurrent. Oui, malheureusement pour notre homme d'affaires ici, je ne vois pas comment il va s'en sortir. On va reprendre ce dialogue ensemble et on l'écoute tout de suite. Très heureux de vous rencontrer à nouveau, Madame Lafont. De même. Vous avez fait bon voyage ? Excellent. Nous allons pouvoir reprendre la conversation où nous l'avions laissée. Depuis notre dernière rencontre, j'ai réalisé un dossier reprenant les principaux points de notre collaboration. Vous permettez que nous y jetions un coup d'œil ? Bien sûr. Alors je vois ici que, selon vos prédictions, notre association permettrait à ma société de diminuer ses coûts d'importation de manière très significative. En effet, notre fournisseur a les coûts de production les plus compétitifs du marché. De plus, nous serions en mesure de réduire de moitié les frais de transport pour ce produit grâce au volume que nous exporterions. Très bien. Est-ce que vous seriez prêt à renégocier votre marge si nous passions une commande ferme ? Ah, vous savez, les temps sont durs et notre marge très faible sur ce produit. Nous ne pouvons pas vous faire de meilleures offres pour le moment. Mais il est évident que nous pourrions reconsidérer les conditions de vente à l'avenir. Bien. Vous savez, Monsieur Delmotte, je dois vous avouer que j'ai rencontré votre principal concurrent ce matin. Et en toute franchise, vous n'êtes pas les moins chers. Ok, maintenant on va reprendre la conversation about this dialogue. And that's the first thing I want to talk about is the sentence where we had reprendre la conversation. Can you say it? What was it? Nous allons pouvoir reprendre la conversation où nous l'avions laissée. Ok, so we have the plus que parfait here. Où nous l'avions laissée. Oui. So it's kind of weird because normally we use the plus que parfait. We're telling a story about the past and something happened even before that past. Et ici, il n'y a pas de passé dans le début de la phrase. Right, so it's kind of confusing. Like, where is it? You know, the literal translation is we can pick up the conversation where we left off. Oui, en fait, c'est parce qu'il y a une partie de la phrase qui est sous-entendue. Yeah, there's a part that we're supposed to just assume is there, which is basically reprendre la conversation où nous l'avions laissée quand on s'est séparés. Where we had left off when we left each other. Pour nous, c'est naturel, mais... But for us, it's really, oh my gosh, what? How am I going to do that? Now, the good news, though, is it's okay if you don't use the plus que parfait here. Exactement, ce n'est pas incorrect. It's not going to be a mistake non. to say, reprendre la conversation où nous l'avons laissé. Oui. It's not a problem. Non. But a French person is more likely to use the plus que parfait. Oui. And another thing we want to talk about is the word permettre. We had it two times in this dialogue. Donc, la première fois où on l'a entendu, c'était, vous permettez que nous y jetions un coup d'œil. So, there we see that permettre que uses the subjonctif. Si vous permettez que nous y jetions un coup d'œil. Alors là, on voit le « i », pour dire que c'est le subjonctif, mais je vais donner d'autres exemples pour qu'on l'entende aussi. Okay. Donc, on pourrait dire « vous permettez que je vienne avec vous ». Sure, you can come. Okay, give some more. Alors, si ça s'était mieux passé ici dans le dialogue, peut-être qu'à la fin, un des deux aurait dit « vous permettez que je lise le contrat ». Okay, yeah, good one. Lire, oui. Subjonctif, lise. So, we had another place where permettre was used without the subjonctif because we didn't have a que in it. What was that sentence? C'est l'homme d'affaires ici qui dit « Notre association permettrait à ma société de diminuer ses coûts d'importation de manière très significative. » Permettre à quelqu'un de faire quelque chose. Oui, c'est la construction avec permettre. So, let's do some variations of the whole sentence, really, to help you master that structure. D'accord, on va essayer de reprendre un exemple qui reste dans le milieu des affaires. Ok. Disons que s'il avait un chauffeur privé, cela permettrait à cet homme d'affaires de gagner du temps de manière considérable. If only he did have a chauffeur. Don't we all think that? Si moi j'avais un chauffeur, ça me permettrait de gagner du temps de manière très utile. Mais le problème avec nous, c'est que le « si » au départ, il est plus grand. It's more like « si seulement ». Si seulement. Right. So in this little dialogue, we had « permettre » two times. So that implies maybe that this is a good word to use in these kind of business situations. Oui. So for example, like in the first one, maybe if it was between friends, be like, ça va si je jette un coup d'œil, you know, but here in this, it's better. Vous permettez que nous y jetions un coup d'œil. Mm-hmm. Et donc, qui implique une permission. Encore une fois, on est poli avec la personne en face. Mm-hmm. On ne s'impose pas. Et dans le deuxième exemple, l'association permettrait, ce qui est bien, c'est que c'est un autre sens un peu au verbe permettre, c'est qu'il implique une solution ici. Ok, yeah, it would allow us to. Ouais, tout en employant un style relevé, un style soutenu. So is this a typical business situation between French people? Ça pourrait peut-être choquer certaines personnes, on a l'impression qu'ils sont assez directs. Yeah, because we learned kind of, if you listen to the other one we did about business, that you should not be direct. Oui. You should be really indirect. But then here, we're getting a little bit more direct. That was when they first met each other, though. C'est ça. So now, though, we're in the negotiation process. Here, we're allowed to be direct. Voilà, on est entré dans une autre phase. Okay. On est dans le vif du sujet. Right. So when we're in that phase where we got like the dossier with the figures and the actual, now we're making the negotiations. Voilà, maintenant on parle sérieux. Okay. On défend sa société. Uh-huh. Et donc on a le droit d'être assez direct. Bon, on garde toujours le côté poli, on est avec les Français. Yeah, continue using the words like permettre que and all that. But mais on a le droit de poser des questions quand même qui vont droit au but. Okay. All right. Good tip. Okay. If you have any questions, you can come to frenchpod.com and ask us. Et donc on se retrouve sur le site. Okay, merci, au revoir. Merci à tous.